sur cette musique. Non, pas des années folles. Cette fois-ci, on est sur un reel plutôt irlandais qu'on va aller s'entretenir avec mon ami Alex Dorval et ses comparses. Salut Alex. Salut Danny, ça va? Ben ça va certain. All right, good. Aujourd'hui, question que ça commence à être le temps, ça s'en vient rapidement. On va vous parler de l'Irlande. Donc, on a pensé faire une chronique sur les produits brassicoles et autres alcools de l'Irlande. Fait que j'ai invité Sébastien Bourassa, qui travaille avec nous au Tannin Pint, responsable de la salle à manger, et puis qui a créé la carte des whisky, scotch et bourbon dernièrement. Génial. Donc, salut. Salut. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, ben c'est ça, on parle d'Irlande, c'est pour ça qu'on a un petit fond comme ça. Et puis ça commence là les festivités de l'Irlande. Ouais, on commence ça à soir parce que c'est le mardi 17, dans le fond, fait qu'on va continuer nos spéciaux jusque-là. On va avoir des spéciaux sur le Dry Stout et la Irish Red Ale, qui sont les deux styles de bière irlandaise de prédilection, et le cidre. Puis donc un cidre léger qui est très sec, qui se boit à la pinte. C'est vous qui le faites? Non, c'est un cidre de la Casa Breton à Saint-Henri-de-Lévis. On a fait une petite recherche au départ, puis c'est pas mal notre coup de cœur en matière de cidre qui se boit vraiment à la pinte. Fait que pour les amateurs, il faut vraiment venir goûter à ça. Puis on a aussi des spéciaux sur les whisky. C'est ce qu'on a apporté aujourd'hui. On a ici le torréfacteur qui est notre dry stout. On a le cidre de la Casa Breton, puis on a le Ratchet, qui est la Irish Red Ale, donc oui. Bière rousse irlandaise. Ce que je bois en ce moment. Oui, dans laquelle on a fait de la caramélisation, donc on a vraiment des sucres inversés qui sont vraiment sèches, qui donnent soif. Puis on a fait une burtonisation pour l'eau de brassage, donc ce que ça fait, c'est qu'on a rajouté de la dureté à l'eau. Ça fait ressortir toute l'amertume. Comment tu rajoutes de la dureté à l'eau? Tu rajoutes du gyps. Du gyps? Ouais. Tu donnes des coups de marteau dans le plafond, puis ça tombe dans... Non, c'est pas vrai. Non, non, on rajoute carrément du gyps dans l'eau et autres minéraux. Puis c'est une méthode qui a été élaborée suite aux bières qui étaient fabriquées à Burton. À Burton, en Angleterre, les bières, l'eau était plus dure, l'eau de brassage. Okay. Puis par la suite, les brasseurs, pour répéter le style traditionnel, ont commencé à ajuster leur eau pour atteindre ça. Ce que ça fait, c'est que ça fait ressortir beaucoup les résines amères du houblon. Puis ça fait aussi ressortir l'amertume de la céréale. Donc, on s'attend à une bière sucrée. On a vraiment, oui, on a un sucre qui est là, mais la finale est très sèche. Oui, c'est ça, mais le goût du sucre, comme la saveur ou le parfum du sucre est là, mais pas autant le goût, c'est ça. C'est ça, ça goûte pas la mélasse ou vraiment pas, non. Le sucre blanc. Non. Donc, fait que c'est ça, puis on a amené des whiskies que Sébastien pourrait vous présenter. Moi, en fait, j'ai mis deux beaux whiskies vraiment à l'extrême pour chacun. On a le fameux classique Jameson de l'Irlande, comme le Jack qui est aux États-Unis. Oui. Et le Wild Geese, qui est vraiment un whisky, c'est un coup de cœur pour moi en ce moment. Il a gagné 4 médailles en 4 ans, en fait, de 2010 à aujourd'hui. Vraiment une meilleure élaboration par rapport au grain et au blend par rapport à ça. Puis comme le cognac est au vin, le whisky est à la bière, fait qu'on peut faire des beaux pairings, des belles accords en fait, whisky-bière, qu'on va faire aujourd'hui ensemble. C'est pour ceux qui ne savent pas, le whisky ou scotch, comme la bière, sont faits à partir de malt d'orge. Donc la différence, c'est que la bière est fermentée. Tandis que les eaux de vie, le whisky, scotch, sont fermentés et distillés par la suite. C'est-à-dire qu'on fait ressortir par chaleur toute l'eau qui se trouve dans l'alcool pour garder juste l'alcool et avoir un concentré. Puis après ça, il y a tout l'aspect dans le whisky puis dans le scotch, de l'élevage, la finesse. Ouais, comment tu le fais vieillir et tout ça? Tu l'élèves en chaîne premièrement de... Irish Whiskey, c'est un élevage de 3 ans minimum en chaîne. Par la suite, on affine entre 3 et 6 mois avec des fûts de Porto, de Rhum, de Xérès, de Cherry. Super intéressant. Puis le pairing, c'est pour les gens qui connaissent pas ça, parce que le terme, on l'entend pas si souvent que ça. Ça serait de mélanger une bière et d'un whisky ensemble ou un après l'autre? Ensemble. Pas en même temps, mais un après l'autre. En même temps, pendant que t'as gorgé, mais moi, je préfère commencer par le whisky. Je le garde en bouche, puis je fais passer une gorgée de bière. Tout à fait. Là, ça fait vraiment exploser tous les arômes des deux. Puis des fois, ça te transforme une bière. Une bière très sucrée, comme les bières irlandaises, souvent, ça va vraiment la transformer, lui donner un côté plus dry encore. Okay. Le grain sort vraiment plus. Puis côté mielleux aussi du Irish Whiskey ressort. C'est super intéressant. Surtout, c'est bien aussi poussé à l'azote. Hein. Puis côté crémeux des deux produits qu'on a, le dry stout, le tréfacteur et la ratchet. Mais ça va vraiment marquer côté mielleux des deux signatures des Irish Whiskey, en fait, qui est le miel. Et ouais. OK. Donc, c'est ça, gars. Premièrement, moi, vous m'apprenez. Là, c'est un après l'autre, puis tu prends le whisky en premier. Moi, je prends le whisky en premier. Aussi, je sais pas si c'est une dégustation formelle, mais c'est la façon dont je fais quand je fais des pairings. On peut faire d'ailleurs des accords comme ça avec d'autres eaux de vie et d'autres types de bières. Là, on a une liqueur de thé Typhon. Le Typhon, oui, qu'on a essayé dernièrement avec une IPA. C'est excellent. Là, une IPA américaine qui est dans le fruit exotique. OK. C'est vraiment quelque chose. Là. Fait qu'il y a plusieurs pairings comme ça. Alex Auger, qui est notre mixologue, qui est passé déjà à l'émission, il nous propose des très bons pairings au bar. On se prend un verre dans ce temps-là au lieu d'une pinte pour y aller en dégustation. Puis c'est de quoi tu prends sur un horizon d'une heure. Hein. Il y a vraiment une culture avec les Irish Whiskey ou les Jack Daniel, les whisky américains, de prendre ça au shot. Puis... de s'envoyer ça en arrière de la cravate, mais ça peut être dégusteux. Même les whiskies de base, comme le Jameson, peuvent être pris dans un verre de dégustation. Moi, je suis pas du genre shooter, j'aime pas ça. Sérieux, les shooters, je trouve que c'est... Ça n'a pas de but à part de te scraper à veille. Ouais, puis t'as pas le temps de goûter la saveur. Dans le fond, il y a vraiment... Tandis que quand tu prends le temps avec une bière, ben, tu sais, ça te dure 45 minutes, une heure, ton verre, tes deux consommations... Puis c'est vraiment un bon moment. Là. C'est un beau voyage vers l'Irlande. Oh, wow. Pendant notre spécial de St. Patrick, on va avoir aussi un jam irlandais. Oui. Donc, on invite tous les musiciens qui ont des instruments de style guitare, accordéon, banjo, bodhran. Harpe. Je connais pas la bodhran. Le bodhran, c'est le genre de tambour qui tiennent par en arrière. Puis c'est juste un genre... Ça ressemble à... C'est juste un tambour, ça, d'épais, à peu près. Là. Ah, ce serait super intéressant. Ouais, ça, c'est vraiment la percussion irlandaise. Là. On a ben, l'harpe, qui est comme le symbole national de l'Irlande. Puis, dans le fond, ça va être Justin Bell, qui est un client chez nous, qui joue souvent dans les fêtes traditionnelles. Ouais. Il va animer le jam, dans le sens qu'il va rassembler les musiciens, il va proposer des chansons, riffs, des reels. Puis le monde embarque. Si vous avez un instrument, on va monter un stage en fin de soirée samedi vers 21h30, 22h. Okay. On va avoir un micro et tout pour que les musiciens puissent s'entendre. Puis on a des spéciaux sur la bière, le cidre, le whisky. On a un plat traditionnel qui revient cette année, qui avait fait fureur l'an dernier. C'est le Dublin Coddle. Dublin Coddle, c'est un peu comme le cassoulet des Irlandais. Donc on a des pommes de terre Guerlo avec des petits oignons de Cipollini. Du boudin, de la saucisse de boudin et du lard braisé. Puis nous, on met un lac à la bière noire, donc au torréfacteur. C'est un plat complètement décadent. à l'ardoise, si vous voulez venir vivre une expérience complètement irlandaise dans la saveur, ça se passe au temps d'une pinte en fin de semaine. On pourra se faire faire un bon black velvet aussi. Oui, avec ça fonctionne. Oui, avec ce cidre-là et notre le dry stout, le torréfacteur. Il fonctionne? Oui. Ça fonctionne. Oui. Ouais. Non, mais quand même, c'est fun à savoir. Moi, je suis amateur de black velvet quand même. Je vous propose qu'on essaye les pairings avec voir quelle bière va mieux avec quel des whisky. En fait, moi, j'avais pensé faire le fameux Jameson avec le dry stout parce que Jameson est affiné en fût de bourbon. Fait qu'on a une belle note de noix torréfiée, de vanille, un peu comme l'Imperial Stout. Peut-être ça va donner une signature Imperial Stout à notre Dry Stout. On va l'essayer ensemble. Et le Wild Geese qui est affiné en fût de rhum. Côté un peu citron, fruits rouges, ça va vraiment chercher le côté caramel, la bière, quand tu utilises un peu sirop d'érable, quand tu as goûté. Ça va venir chercher ce côté-là. Génial. Puis sinon, juste avant qu'on commence, avez-vous plusieurs sortes de whisky? Tu dis que tu as fait une carte. Oui, en fait, j'ai une petite carte de 7 whisky. J'ai 4 scotch. Vraiment dans toutes les appellations contrôlées l'Écosse. Fait que autant du Lowland au Highland, au Speyside, au Isla. Fait que ça, c'est des régions de l'Écosse que chaque région a une petite signature par rapport à ça. J'ai un bourbon tout le temps. Puis j'ai un Irish whisky tout le temps. Puis j'ai un whisky spécial, en fait. Fait que là, en ce moment, j'ai le Mac Mira, qui est un whisky suédois. C'est mon grand coup de cœur pour moi cette année. C'est très, très bon. C'est très citron. Les Suédois font des très bons whisky. Puis là, ils sont en train de développer un assemblage de chêne particulier pour eux autres. Fait qu'on va voir peut-être bien dans 5-10 ans des whiskies écossais affinés avec des fûts suédois. J'espère. Ce serait super intéressant. On sait jamais. Peut-être d'un pour cet été, j'ai spoté un petit Amrut, un petit whisky indien avec du curcuma. J'y ai goûté, c'est super intéressant aussi, ça va vraiment fitter avec l'été. On a des whiskies japonais qui sont super bons, qui sont en train de rivaliser vraiment contre l'Écosse en ce moment. Mais c'est quoi, vous faites affaire avec des importateurs privés ou avec la SAQ? Ouais. C'est du travail avec la SAQ. Ben, c'est parfait, non, mais c'est le fun parce qu'après, tu peux nous retrouver quand même si tu adores ça. Ouais, moi, je connais pas beaucoup les whiskies, puis tu peux m'en venir trouver un bouteille. Non, ils ont le variété à SAQ, autant régional que à Montréal-Québec pour le point de signature. Évidemment, mais oui, je vais avoir vraiment Alex. C'est génial. C'est quand même le fun de savoir que ça se trouve après. Mettons qu'on tombe en amour avec un de vos produits que vous avez. Tout à fait. Génial. On essaye-tu le Jameson avec le dry stack? Oui, effectivement. En premier. On va passer par le whisky pour commencer. On prend toute une gorgée. Bon, oui. On va en chercher des notes de bourbon, de barrique, surtout Jameson, puis... Il a affiné très peu, alors c'est un 3 mois d'affinage. Alors on a vraiment des... C'est fort en bouche là. C'est pas doux, c'est pas léger. Avec le dry stout, tu vas vraiment couper, je pense, ce petit côté-là puissant là. Ouais, avec les notes fumées aussi du dry stout, on dirait qu'on va complémenter le whisky qui a pas ces notes-là d'habitude, si je me trompe pas. C'est plus dans les scotch qu'on aurait des... Les scotch des îles, oui, c'est plus fumé, plus tourbé en fait là. Moi, il m'est venu un goût de noix de coco. Avec de la rouge ici là. Avec la ratchette. Ouais, exact. Moi, j'ai vraiment un goût de noix avec intense, en fait, avec le dry stout. Vas-y, moi, c'est venu une saveur de noix de coco, ça. J'aime les noix de coco. Ben, c'est ça, mais tu vas voir, ben, en tout cas, tu sais, comme moi, je connais pas vos termes exacts. Moi, j'y vais avec ce que je sens, là. Puis, ça m'a fait un petit coup. Il y a un petit punch de noix de coco qui est venu. Ouais, vraiment. C'est cool, hein. Noix de coco, vanille. Ouais, vraiment. Mais il y a un petit côté abricot dans le whisky aussi. Et... Oui, effectivement. Fruits secs. Veux-tu essayer avec ça? Oh, j'en ai ici. Ok, parfait. Ouais, c'est bon ça. Ah, mais c'est vrai, ça, tu dis, je connais pas les termes, mais en dégustation, il n'y a pas vraiment de dégustation de bière, il n'y a pas une nomenclature très spécifique. Là. Okay. Les gens, ils vont avec leurs souvenirs puis leurs impressions. Avec ce qu'ils connaissent, ouais. C'est vraiment ça, on se fie à nos sens puis on avance. Génial ça, donc je suis pas si pire. J'ai un pas pire goût. J'ai un pas pire goût. Ouais. Ça m'est venu vraiment intéressant. Jamais fait ça, là, du pairing en tant que. Avec le cidre, je suis intéressé aussi à. Je me sens le cidre, puis côté abricot avec la pomme, ça serait intéressant aussi, effectivement. Wow. Donc, si on était encore avec le Jameson, moi, c'est à peu près les seuls que je connaissais. Là, on a le Wild Geese, Hero and Soldier. Celui-là, là. C'est vraiment le plus beau nom, je trouve, au monde en ce moment. D'ailleurs, l'image ressemble à. Un vieux cover, un de, vieux Bon Jovi, cover de Bon Jovi. L'épée dans un cœur. Et... Ouais, on veut spécifier. Bon Jovi, c'est pas irlandais. C'est pour ça qu'on n'en jouera pas ce week-end au temps d'une pinte. Mais peut-être qu'il va venir avec son violon. Puis... Ah, on va l'attendre. Ah, peut-être. On va lui lancer une perche. C'est du sur Twitter. Et ses pantalons de cuir. Alors, le Wild Geese, terminé en barrique de rhum. Fait vraiment, on est des. Notre caramel, un petit peu réaction de Maillard, on dirait. Là. Oui. Sucre résiduel. Là, en bouche, on a vraiment un côté citronné, agrumé. Vraiment, ça se rappelle un peu les Caraïbes. Là. C'est super intéressant. J'ai senti le micro au lieu de sentir. Là. Ça commence à rentrer. Bon. L'effet du Jameson. On voit l'effet ici. On va sentir ça. Rappelle encore le super nom. The Wild Geese, Soldiers and Heroes. On dirait une nouvelle série. Ouais. Finalement, c'est quoi? C'est les oies sauvages, soldats et héros. Ça ressemble vraiment à une toune de Bon Jovi. Ah, oui. Fait que cet accord-là, c'est vraiment comme une toune de Bon Jovi, mais dans ta bouche. T'sais. Dans ta bouche. Il y a plein de solos qui se promènent, en fait. C'est du hard rock. Avec Dry Stout, c'est intéressant aussi. Note de torréfaction, encore une fois, de noix torréfiées, de vanille plus qu'avec le Jameson. Café aussi légèrement. C'est le fun. Ouais. Ratchet. Ah, j'aime vraiment ça, ce petit whisky-là. C'est intéressant. Moi, j'avais plus de facilité avec le Jameson. Mettons, je connais pas, là. Moi, j'ai moins aimé celle-là. Ah oui? Ouais. OK. Puis le résultat après. Mais pourtant, tu l'as vu deux. Ouais, il en reste plus. Il en reste plus. Ouais, mais fallait que j'y goûte. Mais avec le ratchet, je trouve que ça coupe vraiment la bière. On n'a pas un bel accord avec. Vraiment, vraiment. Ouais, pas. C'est ça, je trouve qu'il n'y a pas la bière manque de corps, manque. Petit fait historique, puis ça pourrait être bon, ça. Si vous voulez, si vous nous écoutez présentement, puis que vous passez au 5 à 7, dites ça, puis vous avez vous avez un taster de ratchet ou de torréfacteur gratuit. Ou le nom de la bière ancienne, la bière traditionnelle en Irlande était nommée Cuirim ou Curmi ou encore Quorm. C-U-I-R-I-M. Si donc, quelqu'un arrive avec les trois... Si quelqu'un arrive avec les trois, là, il y a un pairing gratuit. C'est ça, exact. Mais vous commandez une Cuirim ou un Curmi ou un Quorm, là, vous avez un taster. Hein. Génial. Donc, c'était le nom ancien des bières irlandaises. J'ai essayé de trouver un petit peu de matériel historique sur l'Irlande par rapport à la bière. Ben, ouais. Y a l'histoire de Guinness qui est partout là, quand tu cherches là-dessus. Mais sinon, Guinness qui brassait des porters, qui a rajouté l'adjectif stout pour dire okay. Qui voulait dire trapu ou robuste. Okay. Donc, quand vous commandez un stout, vous commandez un petit trapu. Madame. Un petit trapu. Un petit tronc. Puis, dans le fond, c'était un stout porter. Donc, un porter, une bière brune, noire, plus trapu encore. Puis, lui, il mettait de l'avoine, pas de l'avoine, de l'orge non maltée dans sa bière parce que ça coûtait moins cher pendant les crises financières. Fait, lui, il a passé à travers la crise financière. Il est devenu une des seules brasseries pendant longtemps. Après ça, ça a recommencé. Mais on ne voit pas beaucoup de styles en Irlande. Généralement, les gens boivent le Stout, Guinness, les Murphy's. Ouais. On a des bières commerciales. On a de la Smithwick qui est l'Irish Red Ale. Mais juste Guinness a beaucoup plus de sortes que nous, ce qu'on voit. On a tout le temps la même ici. Là. On était en Belgique, puis il y avait plein de sortes de Guinness différentes. Ils sont distribués, je pense, dans 500 pays, puis ils ont 50... brasserie à l'étranger. Okay. Puis adaptent leur bière à chaque endroit. Comme il y a une région, il y a un pays en Afrique, je pense que c'est le Nigeria, oui. qui interdit la production d'orge. Okay. Fait qu'ils font la Guinness avec du sorgho, qui est le bleu local. Oui, tu m'avais dit ça, Manu, ouais. C'est ça. Puis il y a plusieurs endroits même qui ont différentes versions, utilisent d'autres types de céréales pour plaire à chaque pays. Puis il paraît qu'on a, quand je lisais ici mon ami Mario dans son Atlas mondial de la bière, il nous dit que les Guinness, la Guinness qu'on a au Québec, faite sous licence par la BAT, donc je pensais qu'on l'importait, faite sous licence par la BAT, ça serait une version plus antique de la recette que celle qu'ils brassent actuellement en Irlande. Donc on aurait une version plus près de la recette originale. Ça, c'est intéressant aussi. Moi, j'avais déjà lu dans un article sérieux que dans la Guinness, il y avait de la vessie natatoire de poisson. En fil. Pour remettre le côté crémeux. J'ai aucune idée si c'est vrai, mais je peux vous dire que dans certains alcools, ils utilisent des biofines qui sont des petits. Ou d'autres types de filtres naturels qui sont faits à base d'arêtes de poisson et de. Et où on a même des vins dans des pays, c'est interdit de ne pas écrire qu'est-ce qu'il y a dans le vin. Ouais. Puis on peut voir, par exemple, sur certains vins qui arrivent de l'Australie, qu'il y a des œufs, puis des produits laitiers, puis des matières de poisson. Fait que c'est des matières qui sont utilisées. C'est ça, j'avais vraiment lu dans un endroit sérieux. Là. C'était pas juste un truc sur Facebook qui avait passé. Se pourrait très bien, c'est très plausible. Fait que moi, à cette heure, quand je m'en ouvre, je me dis, bon, un peu de vessie natatoire, là. C'est bon, c'est moins intéressant, je pense. Il y a Guinness, autre fait. Ben, c'est intéressant comme fait, par exemple. Oui, effectivement. Autre fait qui est intéressant sur Guinness, leur brevet américain numéro 4 832 968, qui est le brevet qu'ils ont mis sur les boules qu'on voit dans les canettes. Donc, cette boule-là, c'est assez intéressant. Je vais vous lire un petit passage. Le brevet américain 4 832 968 recense les principes du conditionnement de la Guinness en canette, maintenant appliqués à un nombre grandissant de bières, qui sont toujours des bières d'ailleurs qu'il y a dans le portefeuille de Guinness. Oui, ben c'est eux qui l'ont. C'est un brevet, donc personne ne peut servir son stout avec crémeux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que ça nous dit, c'est en versant le tout dans un verre, on assiste à l'illusion que la bière est semblable à celle soutirée sous pression. Mm-hmm. Mais en réalité, ce qui arrive, c'est que la bière, la mousse qui se forme provient du liquide qui s'échappe de cet orifice et non de la saturation de la bière au complet, comme c'est le cas pour les bières en fût. Okay. Puis ils rentrent la petite boule en chauffant la canette, puis en pitchant de l'azote sur la canette. Ils réussissent à rentrer la boule dans la canette, puis après ça, elle se referme à chaud. Fait que c'est une espèce de procédé industriel assez intense. Assez magique, hein? C'est le secret. Mais c'est de la caramille. Dans boule de plastique, c'est quoi? C'est un liquide? Parce que moi, avant, je pensais que c'était l'azote, mais non, c'est... En fait, la boule blow molded with nitrogen. Dans la canette moulée par soufflage à l'azote, un réservoir de gaz. Donc, c'est ça. C'est un petit réservoir de gaz dans lequel on pitche de l'azote. Puis quand tu rouvres ta canette, il libère toute l'azote qu'il y a dedans. Mais il remplit pas toute la bière. Dans le fond, il donne l'illusion que t'as l'aspect crémeux, puis il donne ta cascade. Ouais, il te le fait, elle descend toute, là. Fait qu'ils ont réussi à recréer le visuel, mais finalement, ce qu'on apprend ici, c'est qu'on n'a pas la saveur du stout en fût. Ce qui m'amène à vous dire de venir boire la bière anglaise. Les bières du Royaume-Uni, ça se boit dans un pub, les bières traditionnelles anglaises. Ouais. Parce... comme au temps d'une pinte, genre. Exactement. Avec de la fraîcheur. Puis Là, c'est de la vraie, c'est un vrai draft. C'est une vraie draft. C'est un vrai service de pression. À l'azote, à pression avec un creamer. Puis, on a la ratchet aussi qu'on sort de cette façon-là. Donc, c'est génial. C'est pour ça que ça vous fait aussi. Tu peux nous faire un beau black velvet crémeux. On est capable de faire ça. On est capable d'en faire aussi avec la ratchet, si je me trompe pas. Ah oui? Ouais. Ah. Fait que bière rousse, et je pense qu'il y avait ça un. Et lui, est-tu gazéifié? Black and tan. Black and tan. Ouais. Black and tan. Comment? Black and tan. Ah, ouais. Je connaissais pas. Puis ton cidre en ce moment, il est-tu gazéifié celui-là? Lui, il est gazéifié, mais c'est un cidre sec, donc il est vraiment pas pétillant, ce cidre-là. Okay. Mais la saveur est plus sur la pomme verte, c'est très sèche, plus acide, très acidulé. C'est des cidres une bonne au début les gens font comme ça, mais il est flat ton cidre, puis après ça il goûte, c'est fait pour ça. Pour ça, exactement. C'est fait pour être un cidre qui se boit à la pinte. Sinon finalement pour terminer, ben passez nous voir pendant le spécial, le week-end spécial de la fête des Irlandais. Et puis sinon on a toujours mercredi prochain en soirée le show de Marc Bérubé. Donc Marc Bérubé qui est en show au temps d'une pinte. Donc, je terminerai là-dessus. Ben, ce soir, avant 5 à 7, il ne faut pas le manquer. Oui, oui, il ne faut pas manquer notre 5 à 7. On perce un casque du Loup Rouge. C'est une American Pale Ale qui se nomme La Plage des Barques. Excellent. Et on sort le War Gaze and Heroes en primeur ce soir. On a eu une pré-primeur ici. Là. Oui, en fait, t'es pas tout encore au pub. Je sors ce soir pour Saint-Patrick. Génial. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup, à toi. On s'en va vous voir au temps d'une pinte. On rappelle l'adresse. 1465 rue Notre-Dame-Centre au centre-ville de Trois-Rivières. Génial. Puis on va aller voir Marc Bérubé, puis Marc Bérubé aussi, mercredi prochain. Alors, on se finit avec... on va baisser notre petite musique irlandaise, comme ça. C'était le fun, cette petite dégustation, les amis. Curim! oui, exact, hein, si vous voulez un traitement spécial. On écoute la pièce Ethiopia de Marc Bérubé.